Bah, le tambour est composé de trois éléments, le corps, le système d'attache et la membrane. Donc chez nous, c'est de la peau d'animal, soit du cabrit ou du carrière qu'on sait nous utiliser. Le système d'attache est de la corde et des bois. Et le corps, bah, ce soit du PVC ou un tonneau en bois, fabriqué par latte ou sinon en tronc creusé. Donc pour le fabriquer, bah, il faut avoir la maîtrise des dimensions et puis c'est de l'assemblage. D'accord. Et les matériaux, c'est des matériaux que vous vous procurez où? Sur le marché, soit en scierie pour le bois, soit chez les artisans même qui tournent les bois pour les fûts en bois fouillé, ou sinon les PVC, je les achète chez les grandes industries du BTP. D'accord. Le bois, il y a un bois particulier, un bois. Non, tous les bois peuvent être utilisés. D'accord, il n'y a pas un bois en fonction du son qu'on veut obtenir ou. Ça, c'est plus spécifique. Alors, il y a de ceux qui vous disent, bon, ben, tel bois. En Guyane, on n'a pas vraiment étudié ça. Mais c'est vrai que selon le bois, on a une sonorité. Je veux dire que si, par exemple, on a un simple tonneau en bois sapin, bois de France, ça n'aura pas la même sonorité que si on le fait en bois en angélique ou en manille, ou voilà. Mais c'est vraiment ce qui est important, enfin, ce qui importe pour le public, c'est l'esthétique.